بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل بروفيتابل دون توحيد لا جوز بريدانس العقيدة. par notre humble شيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فبحمد الله سبحانه وتعالى سنبدأ من ذلك اليوم في كتاب جديد وهو المسمى بالمبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة من شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Donc comme convenu, nous allons à compter de ce jour, après que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait permis de compléter l'Arba'in al-Nawawiyya, nous allons poursuivre notre cursus, Inch'Allah, dans ce nouveau livre qui est Al-Mabadi al-Mufida, Fil-Tawhid, Wal-Fiqh, Wal-Aqida, écrit par notre cheikh, le conseiller de conférence, comme l'a qualifié son cheikh l'imam al-Wadi'i, rahimallahu ta'ala, qui est Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafizahullah ta'ala, qui est le célèbre savant auprès des salafis en cette époque, et autrement dit, tristement célèbre chez les ignorants, les maftouns et les hizbiyyin. Naam. Quoi qu'il en soit, ces jours-ci, son nom tourne beaucoup. Donc ce livre, biznillah ta'ala, son étude sera basée sur la traduction faite par notre frère Abu Mu'adh Ayoub al-Faransi hafizahullah ta'ala, qui a déjà été édité et dont les exemplaires ont été épuisés, qui a été édité dans Dar al-Athar. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà obtenu, et si ce n'est pas le cas, ben inchallah, il n'aura qu'à suivre la lecture qui sera faite au fur et à mesure. Tout d'abord, je tiens à préciser par rapport aux horaires du cours que sur le moment, ils seront à 7h, du fait que notre cheikh Abdelraqib al-Kawkabani est actuellement malade. D'accord, Nassallah yashfiha, shifan ajila. Il est actuellement malade, donc dans la capacité de donner ses cours. Normalement, après Dhuhr, moi ici j'ai cours avec lui. Donc étant donné que ses cours pour l'instant sont interrompus, je profite de cet horaire pour donner les cours, mais dès qu'il reprendra, Inch'Allah, son programme, nous reviendrons aux mêmes horaires que Arba'in Nawawi, qui était chez vous à 10h et chez nous à 11h. Mais maintenant, avec le décalage horaire, ils seront chez vous à 9h. Ils seront plus tôt. Naam. Également, ce cours de Al-Mabadi al-Mufida, à la base, devait être dispensé par le frère Abdurrahman, Abu Lokman et Kamrouni. Cependant, lui-même a eu quelques imprévus, donc s'est vu dans l'incapacité de donner ce cours, donc a demandé à des frères de le remplacer pour cela, et fait des doigts pour notre frère qui, Inch'Allah, qu'Allah lui farij anhu, fait des doigts pour lui, Inch'Allah, qu'Allah lui fasse. Tayyib. Naam. À la colline, on s'excuse auprès de vous pour les problèmes techniques qui pourront subvenir, ou des fois il se peut qu'il y ait des absences, ou des fois il se peut que carrément je sois là, vous soyez là, mais que le problème technique n'est pas internet, ou ainsi de suite, donc on s'en excuse à l'avance. Oyasbiru barduna la bard. Ayons patience les uns sur les autres, Inch'Allah. Et l'aham shay, c'est que si moi je sais à l'avance que je ne pourrai donner le cours, que je vous en avertisse sur le forum. Et également, une chose sur laquelle tous nous devons faire l'effort d'être minutieux, c'est l'horaire. Faire en sorte, Inch'Allah, qu'on arrive tous à l'heure. Moi en premier, ainsi que vous. afin de pouvoir commencer tôt et finir tôt. Et vous le savez qu'à la base, à Demej, les durous, c'est yomiyen, c'est quotidien. Ce moment-là, ici, avec le mode de vie que nous avons, nous pouvons nous permettre déjà de la sorte avec vous. Donc les cours ont lieu le samedi et le, samedi et le mardi, Inch'Allah. Donc pour ne pas non plus que les durous soient trop longs, cette explication sera, Inch'Allah, résumée. Elle sera résumée. Nous n'allons pas nous attarder sur chaque point de façon minutieuse, surtout qu'il s'agit là de bases que vous avez quasiment tous déjà acquises, ou alhamdoulillah, mais c'est un guise de rappel, pour moi en premier lieu, ainsi que pour vous, car même les choses basiques et fondamentales, on peut avoir tendance à les oublier. Donc cela, Inch'Allah, sera un rappel pour nous, et à faire retransmettre chacun ses enfants, ainsi de suite. Naam. فمن الأمس نبدأ في قراءة الكتاب مباشرة. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يدرك بشيء، لم يدرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذه الآية والحديث ونظائرهما أصل في تلقين الأولاد كلمات جامعة في توحيد الله عز وجل وتعليم عبارته وحفظ حدوده والتوكل عليه ومراقبته والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه هي التربية الشرعية الصحيحة التي يرجى لمن نشأ عليها أن يكون من خير عباد الله الصالحين. مما حملني ذلك على أن أكتب لأبنائي الصغار أسأل الله يصلحهم ويصلح بهم هذه الكلمات الميسرة في مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه مؤيدة بأدلة القرآن والسنة راجيا من الله عز وجل أن ينفعهم بها وسائر أبناء المسلمين وبلا التوفيق. كتبه أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري في شرح رجب عام 25 و400 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. Donc on les a traduits de notre frère Ayoub directement. Et tout en nous passant également de traduire les éloges faites, car celles-ci sont assez, en général, la retranscription en français est assez lourde. Hein, elle est assez lourde. Et peut être riante, donc on la laisse en arabe. On la laisse en arabe. Donc il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans son nombreux livres, dans le sens relatif rapproché, où il dit: ou bien étiez-vous témoins lorsque la mort va à Yaqub, et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Ils dirent: nous adorerons ta divinité, et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique, et c'est à elle que nous sommes soumis, yani muslimoun. Et il fut rapporté authentiquement dans le hadith d'Ibn Abbas qui a dit, radir anhuma, un jour que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: ô mon garçon, roulem, à la base s'applique sur un enfant en bas âge, jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles, garde, c'est-à-dire les limites d'Allah, il te préservera, garde, c'est-à-dire les limites d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Et sache que la communauté, si elle s'unissait pour t'être utile en quoi que ce soit, elle ne te serait utile qu'en ce que Allah a écrit en ta faveur. Et si elle s'unissait pour te nuire en quoi que ce soit, elle ne te serait nuisible qu'en ce que Allah a écrit à ton encontre. Donc les plumes ont été levées et les feuillets ont séché. Ainsi, ce verset, ce hadith et ce qui leur est semblable sont une base en ce qui concerne le fait d'enseigner aux enfants des paroles générales sur le tawhid d'Allah, l'apprentissage de son adoration, la préservation de ses limites, le fait de placer sa confiance en lui, yani tawakkul, et de se rapprocher de lui, la foi en son destin, bon ou mauvais. Ceci est l'éducation légiférée authentique, celle dont on espère pour celui qui a éduqué par son biais, qu'il voit parmi les meilleurs serviteurs, qu'il soit parmi les meilleurs serviteurs pieux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est parmi ceux qui m'a incité à écrire pour mes jeunes enfants. Je demande à Allah qu'il les améliore, c'est-à-dire qu'il les réforme, et qu'il les réforme par leur cause, ces paroles simplifiées dans les bases de l'unité et la croyance et la jurisprudence. Yani al-tawhid, al-aqida ou al-fiqh. Appuyé par l'épreuve du Coran et de la Sunnah, en espérant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fasse profiter, eux et les enfants des musulmans. Et la réussite vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écrit par Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajjouri au mois de Rajab de l'année 1425 de l'égir prophétique. Naam. Taïeb. Donc comme le Shia l'a expliqué là dans sa Mukaddima, à la base ce livre a été écrit en but d'enseigner aux enfants. Car la tarbiya dit la Ouled, le fait d'éduquer les enfants, est une chose primordiale en religion. Pour plusieurs points. D'abord, pour l'intérêt personnel du serviteur, c'est-à-dire le père par exemple, ou le tuteur. Comme a dit Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, qu'u anfusakum ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vous, vous-même, ainsi que vos familles, d'un feu ardent. Donc là, il s'agit quoi? D'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, de nous préserver nous-mêmes ainsi que nos familles. Et dans la famille rentrent les enfants. Et que les enfants sont une ni'ma min ni'amillah, sont un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, desquels il est obligatoire de remercier, d'être reconnaissant. Comme a dit Ta'ala, Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Que les biens, les enfants, sont une parure de ce bas monde. Ouais. Également, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être remerciés. Et ils ne proviennent que de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa qala wa in shakartum lazidannakum. Et que si vous remerciez, alors je vous rajouterai. Et également, parmi les choses qui incitent à éduquer nos enfants, comme cela est venu dans le hadith apporté par Abu Huraira, fi sahihayn, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. وَالرَّجُولَ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَمَسُولْ عَنْ رَاعِيَتِهِ. Chacun est responsable et berger de ceux qui sont sous sa charge. Le gouverneur est responsable de ses gouvernés. Et que l'homme est responsable et berger de ceux qui sont à sa charge, c'est-à-dire dans sa maison. Il est responsable d'eux. Également, comme cela est vu dans le hadith rapporté par Maq'al ibn Yassar, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يستريع الله رعية لم يحيطها بنصحه إلا لم يجد راحة الجنة. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas confié une charge à ses serviteurs et qu'il ne l'ait pas recouvert de son conseil, c'est-à-dire le responsable, le tuteur, n'ait pas conseillé ceux qui sont à sa charge sans qu'il ne soit privé de l'odeur du paradis. Donc regardez un peu la responsabilité à assumer pour chacun d'entre nous par rapport à nos enfants. Également, que cette éducation portera ses fruits dans l'au-delà pour le serviteur. Comme rawa l'imam muslim fi sahihi, un nabi Hurayra, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'al, idha mata l'insan, in kata amaluhu, ila min falas. Salakatun jariya, wa ilmu, yuntafa'u bih, ou waradun salih, yad'u lah. Que la personne, lorsqu'elle meurt, ses actes, ses œuvres sont interrompus hormis trois, qui sont une aumône courante, une chose qu'elle essaie en sadaka, qui continue. Également, une science par laquelle on tire bénéfice. Et la troisième chose, un enfant pieux qui invoque pour lui en sa faveur. Donc ce point-là amène à quoi? À bien rakkel sur le fait qu'il faut éduquer les enfants comme il se doit, de façon légiférée. Naam. Wa an Abi Hurayra, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ar-rajula la yartafi'u lahu al-daraja fil janna fa yaqulu bima hadihi fa yaqulu bidu'a waladik. Que les degrés de l'homme s'élèvent au paradis. Et il demande comment cela se fait-il. Il lui dit par les invocations de ton fils ou de ton enfant. Par l'éducation, ou plutôt par les invocations, les du'a de ton enfant. Donc l'enfant qui invoque pour son père ou sa mère, il se voit élevé en degré, Inch'Allah, au paradis. Également, cette éducation a des maslaha pour la Ummah, pour la communauté en soi, de façon générale. Pourquoi? Car les enfants sont les hommes de demain, les générations à venir. D'accord? La Ummah, aujourd'hui, est bâtie, son avenir est bâti sur quoi? Sur les enfants d'aujourd'hui qui seront les hommes de demain. Par exemple, on a vu que, qui sont ceux qui sont la principale cause que la religion nous est parvenue à cette époque, ce sont les Sahaba. Du fait qu'ils ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont pris de lui. Et par la suite, ont propagé ses acquis. Et parmi eux, certains étaient très jeunes. Comme Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qui fut compté parmi les plus grands savants. Surtout dans Ulum al-Qur'an. Et également Ibn Omar, qui était très jeune. Et bien d'autres. Et Anas ibn Malik, qui a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et cela par quoi? Par le tawfiq apporté à sa mère Sulaym, qui lui a apporté son fils afin qu'il le serve à El-Medina. Et cela durant 10 ans. Et cela furent parmi les plus grands apporteurs de hadith. Car ils étaient jeunes et ont appris beaucoup de choses, ont vécu longtemps. Et sont des piliers de cette religion dans ce qui se rapporte à la da'wah. Hein, ils sont incontournables. Et également, elle est connue des salafs, qui ont également concentré principalement leurs efforts sur les enfants. Comme cela fut rapporté de beaucoup d'entre eux. Par exemple, il fut rapporté d'Al-Amash, rahimahullah ta'ala, qui était parmi les imams du hadith à son époque, chez les salafs, qu'il avait un cercle de science avec des enfants où il leur enseignait le Coran. Donc là, un homme passa auprès d'eux et lui dit que les gens du hadith sont plus en droit de toi, c'est-à-dire de profiter de toi, que ceux-là, c'est-à-dire ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui répondit? Il lui dit quoi? Ya miskin, haoula yahfazuna alayka dinak, ay annahum hum alladhina sayahmiluna ad-din insha'Allah. Idha sarta kabiran shaykhan la tastati'u an takuma bihi. فَسَيَحْمِلُهُ هَاُولَا الْرِجَالِ رِجَالُ الْغَدِ. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit à cet homme? Il lui a dit, « Ya miskin, oh mon pauvre, ceux-là que tu vois là, sont en train d'apprendre cette religion pour toi. » C'est-à-dire que eux seront ceux qui porteront la religion dans le futur, Inch'Allah. Quand toi tu seras grand et dans la capacité de pouvoir enseigner ou de pouvoir même ne serait-ce qu'apprendre, eux s'en occuperont. Ces jeunes que tu vois aujourd'hui, s'occuperont de cela plus tard, Inch'Allah. Ils sont les hommes de l'avenir. Et Arwa également, rahimahullah ta'ala, disait à ses fils, Ya abna'i, ta'allamu fa innakum sigarukum, yushaku antakunu kibarakum. Il dit, oh mes fils, apprenez, car actuellement vous êtes les petits parmi les gens, les petits du peuple, de la Ummah. Tout comme il se peut que par la suite, vous voyez, c'est grand. Les grands de cette Ummah. Donc apprenez dès maintenant. Et même dans les Kutub, vous allez trouver que, comme par exemple, l'imam Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, il a fait un tabouib, un chapitre qui s'appelle Fadl al-Ta'allum fi Sirar wa al-Hid alayhi, qui est le fait, le mérite d'apprendre en bas âge, d'être jeune. Un chapitre entier, avec des affars, des hadiths. Beaucoup sont faibles, et d'autres sont authentiques. Wa min jumla ma zakara min al-athar, minha, ma ruya an al-hasan an awqal, tarab al-hadith, fi sirar, kan naqsh fi al-hajar. Al-hasan, il a dit quoi? Que le fait de rechercher le hadith, en étant petit, cela se grave comme dans la pierre. Il est connu que les enfants mémorisent très vite. Ce qu'ils mémorisent dure longtemps. N'est pas comme le grand. Le grand a plus de mal à mémoriser. Le grand a plus de facilité à assimiler, à comprendre, mais l'enfant mémorise très vite. Mais en grandissant, ce qu'il a mémorisé, il le comprendra également. S'il poursuit son parcours dans la recherche de la science. Également, Iqlima, Ru'anou anouqal, ma hafistu wa anashad, fa ka'annani anzuru ilayhi fi kirtas ou waraka. Qu'il ait dit quoi? Que tout ce que j'étais, que j'ai appris en étant jeune, aujourd'hui, c'est comme si je regardais dans des feuilles. C'est-à-dire, tellement c'est bien entré dans sa mémoire, que ce qu'il a appris auparavant, c'est comme s'il le lisait. C'est devant ses yeux. Du fait que la mémorisation, en étant petit, reste. Et cela est connu. Donc de là, le tarkiz sur tarbiyat wa ta'lim al-awlad. Ce qui a incité le shir à écrire ce livre. Maintenant que ce livre a été, yani, umuman kutiba li ajli al-awlad, cela ne veut pas dire que seuls les enfants peuvent en profiter. Et il n'y a aucune honte et aucun rabaissement à ce qu'un grand également l'étudie. Car ce livre contient des bases essentielles pour la religion. Donc personne ne se passe. D'accord? Personne ne se passe de ce livre. Du moins des choses contenues dans ce livre. Qui touchent à la aqida, au tawhid et au fiqh. Des choses qui sont indétournables, incontournables pour le muslim tous les jours. Quotidiennement. Du jour comme de nuit. Comme cela viendra, Inch'Allah. Et Inch'Allah, bien sûr, ce livre, quand il est enseigné aux enfants, c'est de façon basique. Nous, on va pousser un peu plus, étant donné que vous êtes grand, donc une compréhension, alhamdoulilah, des fois on mettra des tafasils, sans pour autant trop s'étaler. Pourquoi? Car donner deux cours par semaine, cela rendrait le livre très long. On le prendrait en je ne sais combien de mois. Et le but, Inch'Allah, c'est de profiter et de, également, d'avancer. D'accord? Et d'avancer. Et de temps en temps, ce livre n'a pas encore de charh qui a été édité, hormis peut-être un de Cheikh Abdelhamid Al-Hajouri, et également un de Cheikh Abdelrakib Al-Kakabani, dont j'ai pris la malzama, je l'ai fait éditer, avec son autorisation, sur lequel des fois je me baserai afin de pouvoir sortir des fawa'id, de ce que lui-même a enseigné à cet oulab. Naam. Tayyib. فاليوم كان درسنا عبارة عن مقدمة وتمهيد لما سيأتي بعده. Aujourd'hui, c'était juste une introduction dans ce livre. Et Inch'Allah, à compter de mardi, bi'iznillah, nous entrerons dans le livre en lui-même. Donc, comme le frère Jizalou Khairo a mis le lien, le livre en arabe est trouvable sur le site de Shir. On le mettra, Inch'Allah, sur l'article relatif à ces douros, pour ceux qui veulent le télécharger. Et suivre avec nous. فَبِهَدَ الْقَدْرِ نَكْتَفِي وَنَكُولْ الحمد لله رب العالمين مع تحية دمات أفاق.